belle, la pas belle, tout refait, la poubelle, tout le monde gaga. Mon Dieu, qu'elle est belle! Alors qu'en fait, ce n'est qu'un putain de symbole phallique, son obscénité pervertie que traverse la nique. La tour Eiffel à Paris, c'est l'érection d'un pays. Castron la France, vive l'indépendance! La compensation travestie d'un pays qui n'a pas dit qui le cesse du silence, sous-jacent l'impuissance. Nous sommes pour la dictature décastrée! La pays au pouvoir, ce n'est pas un progrès! L'État, c'est le sperme, la classe dominante, c'est l'ovule! Aux armes, les stampites, aux armes, les pédés! Blanc, jaune, vert, bleu, négro, tous des bâtards sous le même drapeau. Tous des bâtards sous le même drapeau. Tous des bâtards sous le même drapeau. Tous des bâtards sous le même drapeau. Tous des bâtards sous le même drapeau. La statue de la liberté, le Big Ben, la tour de Pise. La pyramide de Gizeh, les murailles chinoises, la tour de Pise. Pour mettre en place le système d'herbacrotte, faites tous confiance à Jean-Henri Bordy. C'est théorie à lui. C'est pas de la crotte. T'es d'accord avec moi? Oui, oui. Putain, mais décidément, je trouverai jamais mes chaussettes. Oh, et puis merde. Bordel. La tour Eiffel à Paris, c'est l'érection d'un pays. Castron la France, vive l'indépendance. La compensation travestie d'un pays qui n'a pas dit qui le cesse du silence, sous-jacent l'impuissance. N'attendons pas le jour où Paris se fera débuceler ou un anus immense engloutira les Champs-Élysées ou des fesses géantes écraseront Montmartre. Ça sentira le caca partout dans la capitale. Danse man, danse man, danse man, danse. Arrête de te faire sucer par l'erreur congénitale. Tarbacrotte veut voir du sang et du sperme se déverser sur la capitale du mal. La tour Eiffel doit disparaître, c'est une nécessité matérielle. La société actuelle ne rejette pas, c'est le sexe. Le sexe c'est trop rétro, c'est trop kitsch. Attends, j'allais pas me faire chier pour des chaussettes. Non mais c'est bon, t'énerve pas Franck quoi, c'est que des chaussettes, c'est pas une raison pour... Mais ta